Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau Été Comics. Alors aujourd'hui on continue nos émissions un peu spéciales. On continue à inviter des éditeurs ou des auteurs ou des dessinateurs. Là ça sera plutôt une dessinatrice. Donc je vais souhaiter le bonjour et la bienvenue à Leïla qui a bien voulu passer derrière le micro. Bonjour. Et je vais avoir avec moi mon compère toulousain qui a quitté l'apéro pour être avec nous. Eh oui, Sadri, bonjour à tous. Bon alors, Leïla. Oui. Merci encore une fois à te prêter à ce jeu-là. Merci à vous de m'inviter. Et on va commencer par la première question. Tu vas voir, c'est la plus compliquée. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? En fait, je suis principalement auteur de bande dessinée. Je fais ça depuis un petit bout de temps. J'ai commencé dans l'édition en France. Par la suite, j'ai travaillé un peu aussi chez les éditeurs italiens. Et en ce moment, je travaille régulièrement exclusivement pour les Américains. Voilà. Sinon j'aime également faire un peu d'illustration, mais c'est plus quelque chose que je fais pour moi. C'est pas c'est vraiment mon petit passe-temps personnel, quoi. L'illustration, j'aime bien faire ça, voilà. Non mais je pensais que t'avais fini, mais continue. Non, j'ai fini. Mais tu vois, c'est un peu la question quand tu passes un entretien d'embauche, et que la première question, c'est: est-ce que vous pouvez vous présenter? Ça fait toujours le même effet, hein, je te rassure. Hein. En fait, c'est surtout que tu ne sais pas par quoi commencer. Donc, quand ça fait depuis longtemps que tu traînes, ça remonte tellement loin, en fait, mon premier contrat, que je ne sais pas... par quoi réellement commencer. Puis j'ai pas fait que du comics ou de la BD, j'ai fait aussi de la cuisine, j'ai travaillé en cuisine aussi pendant quelques temps, donc je suis un peu, voilà, quoi, je sais pas de quoi. Voilà. Ah ouais, ah ben c'est bien d'avoir commencé par la cuisine, et du coup c'était avant de dessiner, du coup, c'est ça? En même temps, j'ai fait ça en polyvalence, parce que c'est vrai que bon, c'est un métier que quand j'ai voulu le faire, mes parents m'ont dit: trouve quelque chose d'autre à côté, on sait jamais, parce que c'est pas un métier évident. Ils ont eu raison, parce que le fait de pouvoir avoir un deuxième métier, ça aide à balancer entre le temps de faire son nom, se faire connaître, tout ça. Voilà, donc puis j'aime bien cuisiner, donc ça tombe bien. Et du coup, tu as fait des études un peu particulières en dessin, ou tu as fait des... J'ai fait une préparation des beaux-arts. Donc je faisais ça le soir, en fait, les cours du soir. Et puis par la suite, ça m'a un peu ennuyée, on va dire. Donc je me suis arrêtée un peu. Donc j'aimais dessiner, mais je ne savais pas trop quoi faire. Jusqu'au jour où, par hasard, je suis rentrée dans une boutique de manga. Et il y avait un petit stand comics américain, un tout petit stand. Et quand j'ai ouvert le premier comics américain, j'ai dit c'est génial, j'aimerais bien faire ça, quoi. Et j'ai commencé à apprendre un peu en autodidacte, en fait, à raconter, faire les mises en page, tout ça. Et voilà. Et c'était quoi, du coup, ton premier comics ou tes premiers comics que tu as commencé à lire? C'était Hardboiled par Frank Miller et Jeff Darrow. Voilà. C'était quand je l'ai ouvert, il y avait tous ces détails, mais j'adorais en fait le dessin, l'histoire. Après, j'ai commencé à lire Sin City, tous les Miller. Puis petit à petit, j'ai commencé un peu aussi à regarder un peu les Marvel et DC Comics. Et puis après, ça s'est plus arrêté. Okay. Ah, quand on tombe dedans, après, c'est dur de s'en remettre. Voilà, j'ai voulu travailler chez, à l'époque, c'était chez Image Comics, c'était Topco. Parce que j'adorais Marc Silvestri, j'aime toujours d'ailleurs. Et Et je me suis lancée, en fait, le défi d'aller au festival. C'était le Comic-Con de Chicago à l'époque. Ah oui. Et c'était, bah, c'était à l'époque de... Si je me souviens bien, c'était, il y avait encore Michael Turner, tout ça. J'étais jeune, je ne parlais pas anglais du tout. Et je suis allée, j'ai essayé. Ça s'est bien passé, mais ce n'était pas évident non plus parce qu'à l'époque, des dessinatrices, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Donc, voilà, j'étais jeune, j'étais trop jeune. Puis, je suis revenue en France et du coup, j'ai commencé à faire du graphisme parce que j'avais eu des opportunités de petits boulots. Et j'ai rencontré... On m'a conseillé, en fait, on m'a dit, il n'y a pas que les Américains qui font des BD, il y a aussi en France. Et donc, on m'a conseillé d'aller voir Soleil Édition à l'époque. Et j'ai eu un contrat. À l'époque, j'étais jeune, j'étais contente, en fait. Ça m'a appris aussi beaucoup sur le métier. J'ai appris beaucoup, c'était avec Farid Boujalal, en fait. Et j'ai appris beaucoup, en fait. C'est là où j'ai appris le plus, je crois. Et voilà. C'est lui qui te conseillait, en fait, c'est ça? Non, il m'a appris. J'avais des mécanismes de débutant, puis surtout un peu de client. Enfin, c'était très... Ça manquait un peu d'âme, en fait. Mes personnages, mon storytelling était un peu très comics, en fait. Et ça manquait un peu de... J'avais besoin de mûrir un peu aussi, tant que j'ai appris que la beauté se trouvait ailleurs, en fait, que c'est pas dans des schémas de beauté classiques. Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec le français, j'ai oublié. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est très bien. À trouver les mots, mais oui, j'ai donné un peu de... J'ai appris, en fait, avec la BD en France, à faire surtout des recherches, faire les recherches sur les personnages avant de commencer à travailler sur une histoire, de donner un peu d'humaniser un peu les personnages, en fait. C'est une phase que j'aime beaucoup, que je continue toujours à faire. Et c'est vrai qu'avec les Américains, il y a un petit blocage parce qu'ils n'arrivent pas trop à comprendre c'est quoi cette étape, en fait, de recherche. Et voilà. Ouais, d'arriver à t'approprier en fait l'univers ou la thématique ou même le personnage, qu'est-ce qu'il ressent, et vraiment avoir un travail de fond avant pour réussir à mieux adapter après ce que tu veux transmettre, c'est ça, en fait. Voilà, rendre les personnages ou les scènes les plus vivantes possibles pour éviter que ce soit trop du déjà vu, en fait. Parce que quand j'ai appris le dessin avec le comics, j'ai recopié un peu ce que faisaient les erreurs des autres. Ce qui fait que je refaisais un peu les mêmes défauts. Et on a besoin de quelqu'un, en fait, pour nous initier, d'une personne qui a l'expérience. Oui. Qui te montre un peu, voilà, là où étaient tes erreurs et de t'apprendre. Voilà, un mentor, c'est un mentor. Ouais, c'est génial d'avoir pu trouver quelqu'un comme ça. Mais en fait, à chaque fois que je commence une histoire, les scénaristes, en fait, ils apportent énormément quand c'est des bons scénaristes, ils apportent énormément à l'auteur, en fait, au dessinateur, parce qu'ils ont besoin de te faire vivre leur histoire. Et il faut qu'ils te la racontent pour que tu puisses être le plus proche possible de ce qu'ils ont envie de faire. Parce qu'on est quand même... Moi, je trouve que quand je fais une histoire, je suis comme à leur service. Et par moments, il y a des scénaristes qui sont clairs. Ils veulent pas que tu changes. Trop t'approprier, en fait. Exact. Voilà. Et puis, tu en as d'autres, au contraire, et ils te laissent beaucoup de liberté. J'aime bien aussi travailler avec des scénaristes qui te laissent un peu de liberté, sinon on s'ennuie, quoi. Oui, ça permet de mettre ta touche aussi, de mettre vraiment ce que toi, tu aimes dessiner, et ta touche personnelle, quoi. Voilà. Mettre un plus à l'histoire que l'écrivain, le scénariste te donne, en fait. Et alors, du coup, j'avais. Donc, tu as beaucoup appris au niveau de chez Soleil et tu as travaillé sur deux, trois séries avec eux et puis après, ça s'est terminé. J'ai toujours aimé faire des pauses, en fait, parce que j'ai besoin de te ressourcer. Oui, prendre mon temps, en fait. J'ai pas envie de bosser sur tout. Et comme je disais, j'avais un autre travail. Donc, c'était pas quelque chose qui me... J'ai jamais voulu dessiner pour payer mes factures, en fait. D'accord. Je sais pas comment expliquer ça. C'est quelque chose que j'aime faire et j'ai pas envie d'en être déçue, en fait. En fait, c'est ta passion avant d'être ton métier. Et donc, exactement. T'as pas envie d'être dégoûtée de ta passion. Parce que si un jour je me réveille et je n'aime plus dessiner, je pense que ma vie n'a plus beaucoup de sens, quoi. C'est ce que j'aime faire. Et il y a des moments où il n'y a pas la bonne histoire pour toi ou une qui ne t'intéresse pas. Donc souvent, si on me propose quelque chose et je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas, quoi. Et j'en ai refusé énormément. Des fois, certains, je n'aurais pas dû. Mais... ouais. Un nom, par exemple, quelque chose que tu regrettes de ne pas avoir fait, justement. Alors, il y avait... Je regrette ne pas l'avoir fait. En fait, quand je travaille sur une histoire, sur un livre ou un projet, et j'aime pas en faire deux ou trois en même temps, parce que je vais pas pouvoir profiter de ce moment de faire une chose. Il m'est arrivé d'avoir des propositions en plein livre que j'ai refusé. J'ai refusé Topco. Alors que j'adore Marc Silvestri, et il m'avait contacté, je lui ai dit je peux pas, je suis sur un livre. J'étais à l'époque sur Neverland. Ah, Neverland, ouais. Et j'aurais pu les prendre. Faire en même temps, en fait, c'est ça? Voilà, j'ai pas voulu le faire, c'était une erreur. Une autre fois, c'était Marvel. c'est bizarre d'entendre. J'ai dit non à Marvel. Oui, d'accord. J'ai pas dit non. J'aurais dit je suis en train de. À l'époque, c'était Alters. Je suis sur Alters et je peux pas travailler sur deux séries en même temps. Et ils m'ont dit vous me contactez et vous êtes prêts. Et je l'ai jamais refait. Parce que pour moi, je me suis dit ça y est, t'as fait une bêtise. T'es foutu, c'est pas n'y retourne surtout pas. Voilà, mais c'est des petits trucs comme ça que je fais et j'arrive pas à travailler sur deux livres en même temps, même sur trois. Je sais pas, il y en a certains qui y arrivent, tant mieux pour eux. Ils ont vraiment toute ma admiration, mais moi je peux pas, quoi. Ouais, qu'en fait quand t'es vraiment dans un univers, tu t'y mets en fait corps et âme entre guillemets et du coup tu peux pas te scinder un peu en deux, en fait. C'est vraiment... Je le perçois comme ça, un peu. Et puis, il y a aussi le fait que je travaille en traditionnel et sur papier. Et ça me prend beaucoup plus de temps que faire ça sur une back-home, sur ordinateur. D'accord. Tu fais tout à la main, du coup, c'est ça? Ouais. Ok, ouais, c'est un travail, c'est cool. Ouais. Old school. Ouais. Ah, donc... mais ça a tout son charme, hein, franchement. Puis ça se ressent au trait. Mais parce que j'adore ça, en fait. Et l'ordinateur, j'en ai fait. Hein. J'ai utilisé assisté par ordinateur. Je trouve qu'il y a un petit côté un peu... le trait se ressemble un peu. Et il y a un petit côté froid qui me gêne. Mais bon, ça ne retire rien aux autres dessinateurs. Il y en a qui le maîtrisent beaucoup mieux. Ils le maîtrisent très bien, même. Et moi, c'est quelque chose que j'arrive pas, je préfère le papier. Et voilà. Et du coup, comment tu fais ? Donc, tu dessines sur papier, et puis après, tu le mets sur un scanner, et puis tu retranscris, tu retravailles après légèrement sur ordinateur, ou tu envoies ça directement au coloriste pour qu'il puisse... Alors, ça m'arrive de faire des corrections sur ordinateur avant de les envoyer chez le coloriste, parce que je vois qu'il y a des petits défauts, comme ça, je dis, tiens, arrange ça quand même. Même si j'évite de trop rentrer dans ce système-là, parce que il y a un moment, faut laisser partir la page, quoi. Sinon, on finit par vouloir tout corriger, et là, du coup, on est en retard. Et c'est quelque chose que j'ai appris avec les Américains, c'est d'aller vite. Même si tu vois un défaut, c'est pas grave, tu fermes les yeux, tu le donnes et voilà quoi. Alors que c'est quelque chose que, voilà, en France ou même en Italie, on a plus le temps quand même de bosser quoi. Il y a une grosse parution, une vitesse de parution aux États-Unis plus qu'en France, oui. Ah bah oui, c'est vrai. Du genre, par exemple. Sur Alter, c'était 6 semaines pour faire 20 pages. Ok, ouais. Et puis, voilà, c'est 6 semaines. Mais si pendant les 6 semaines, tu as eu la grippe, tu es tombé malade, tu dois faire des choses, tu as moins de temps, en fait. Et ouais. Même par moment, ils te demandent, on est super en retard, active. Donc, du coup, le dessin n'est pas parfait, quoi. C'est pour ça que j'aime faire mes illustrations personnelles, parce que c'est mon petit moment où c'est moi qui décide ce que je fais et ce que j'ai envie de dessiner, quoi. Et tu peux y travailler après plus longtemps dessus et gommer toutes les petites imperfections. Voilà. Ok. Et alors, Alters de mémoire, c'est sorti en issue, donc c'est vrai que c'est apprécié au niveau du rythme de parution, mais après, tu avais travaillé sur Horde, également chez Aftershock, qui était directement un one-shot, donc ça t'a permis d'avoir plus de temps, non, pour travailler ? Oui, ils m'ont laissé, oui, parce que Joey Plut, le publisher, il m'avait dit, je veux que tu fasses, parce que lui, il adore la bande dessinée européenne, française, tout ça, et il m'a dit, je veux quelque chose de qualité comme il y a en Europe, en fait. Donc, il m'a dit, il m'a demandé combien de temps je pouvais faire l'album, et voilà, et on s'est arrangé que, de manière à ce que je puisse le faire tranquillement, quoi. Mais j'aime beaucoup, bien. En fait, j'aime beaucoup ce méthode. J'aime pas les mini-séries, les séries, tout ça, faut aller vite. Et puis l'avantage, c'est que là, t'as une fin, quoi. Il y a un début, une fin, et puis tu peux participer de A à Z. Voilà. Comment c'était de travailler avec Marguerite Bennett justement sur Horde, parce que bon, c'est quand même une jeune scénariste qui mérite d'être célèbre, mais même qui gagne en célébrité au fur et à mesure avec toutes les séries qu'elle a pu faire. C'est comment travailler avec elle? Ben, ça fut un grand plaisir, parce que elle sait très bien ce qu'elle veut. Donc du coup, c'est pas quelqu'un qui va te demander de refaire les choses, parce que elle est claire, elle est précise, elle te donne les documentations. Donc ça te donne une idée un peu plus claire de ce qu'elle veut. Moi, j'aime bien travailler avec des scénaristes qui savent ce qu'ils veulent, parce que on peut pas refaire les choses 20 fois, quoi. Parce que elle est très gentille, elle est adorable même. Je suis un peu déçue parce que je l'ai ratée quand j'étais à New York, je l'ai ratée. Et on s'est raté, quoi. J'aurais bien voulu la voir en vrai, quoi. On lui parlait. Et j'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup comment elle écrit, en fait, les histoires. C'est son univers, en fait. Oui, c'est vrai, justement. Oui, vas-y, Adrien. Ouais, j'avais juste une question, ouais, justement, ce rapport avec les scénaristes que tu peux avoir, c'est le degré de ce que tu peux ajouter en fait à l'œuvre, Comment ça se passe? Qu'il y a des scénaristes qui sont ouverts et qui sont un peu à l'écoute de conseils ou, de, ou d'idées ou d'autres qui sont plus fermés, justement, Oui. En général. En général, j'ai fait pas mal de projets qui n'ont pas abouti, surtout en France, chez les éditeurs. Donc, j'ai travaillé avec pas mal de scénaristes et t'en as certains qui étaient, par exemple, exécrables. Ouais. C'est vraiment, mais j'arrête. D'habitude, je fais un test. Dès que je vois que ça ne marche pas, je ne peux pas travailler avec certains. Il y a des scénaristes, ce n'est pas possible, quoi. Ouais, je comprends. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai travaillé qu'avec des bons scénaristes qui ont été très respectueux, gentils, qui aimaient bien aussi mon travail, donc ça aide. Et puis pour les autres, c'était un non. Non, je ne peux pas travailler avec des gens qui ne respectent pas un minimum ton travail ou ta personne. Ouais, ça, c'est normal, ouais, bien sûr. Ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup en fait aux États-Unis, c'est que il y a toujours l'éditeur qui fait le dialogue en fait. Ah oui, ok. Voilà, et l'intermédiaire, c'est ça. Il n'y aura pas d'ambiguïté ou il n'y aura pas de malentendu parce qu'il est là en fait. Il surveille, il lit. Nos courriers sont lus par lui et j'aime bien en fait parce que comme ça, il n'y a pas d'abus quoi. Ouais, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de malentendu non plus. Mm. Et puis, c'est bien d'avoir une tierce personne, sûrement, entre les. Exact. Entre vous. Mm. Jeff, je te redonne la parole, du coup. Oui, c'est gentil, merci Adrien. Et alors, je suis un peu plus curieux de savoir comment tu travailles tes illustrations. Est-ce que tu essaies de faire des essais avant de le poser sur papier? Comment tu les travailles? Je suis curieux. Vu que tu es en train de m'en préparer. c'est... En fait, quand je fais mes illustrations, je n'en fais pas beaucoup. Parce que j'en fais beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup que je montre. Mais parce que ça arrive, c'est comme un déclic, en fait. C'est comme quelque chose qui... C'est une image, une vision, quelque chose qui m'obsède, en fait. Et il faut que je le mette tout de suite sur papier, mais pour que ça sorte exactement comme je l'ai dans ma tête, c'est un peu plus long. Il faut déjà que j'ai le modèle qui me donne envie de... Enfin, qui m'inspire. Souvent, ça part de ça, un modèle, ou quelque chose que j'ai vu dans la journée, un visage, quelque chose. Il faut qu'il y ait des clics, en fait, pour que je puisse avoir le... Ben, l'inspiration. Ouais. J'adore les musées aussi. Le travail des autres aussi m'inspire énormément. Voyager aussi m'inspire énormément. Donc, ça part de tout ça, en fait. D'un voyage, je reviens d'un voyage, j'ai plein d'idées. J'ai plein de croquis aussi, des trucs qui sortent comme ça de ma tête et je les mets rapidement sur papier et je les reprends plus tard. Et voilà. Je ne sais pas si je réponds exactement à ta question. Non, mais justement, alors tu parlais que tu faisais beaucoup de musées et ça t'aide beaucoup de t'inspirer. Je ne suis pas très musée, je ne suis pas très, très statue, mm-hmm. Mais bon, on va parler. Si tu vois, par exemple, tu vas au Louvre, tu vois Mona Lisa, ça peut t'inspirer tout de suite pour... Non, non, quand même pas. Non, parce que c'est quelque chose que comme j'ai déjà vu, ça avait dû m'inspirer, ça m'aurait dû m'inspirer depuis longtemps. C'est des trucs nouveaux. En fait, il y a les différentes écoles. En fait, quand je suis partie en Espagne, j'ai découvert l'école des peintres espagnols et j'ai adoré. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'inspire. Ça doit venir de la culture aussi. C'est beaucoup pendant les voyages, en fait. Les femmes, quand je pars en voyage, j'adore regarder aussi les gens qui vivent dans le pays. Et j'arrive à regarder les différentes beautés, les visages. Comme dans chaque pays, la beauté, elle est différente. Et c'est quelque chose que j'aimerais énormément faire, en fait, c'est dessiner un peu plus varié, en fait. Parce que là, moi, j'ai... Je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai un peu le même genre de femme que je dessine. Oui, oui. Et puis tu as toujours ce même trait où en fait on voit le dessin et on dit ça c'est toi. Ça, on c'est peut très pas représentatif. Noter. Enfin, c'est ouais, c'est t'as vraiment une patte, on la reconnaît vraiment. C'est super. C'est cool. Ah ouais, mais ouais, franchement fan, ouais. Parce que ouais, pour moi, enfin, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à percevoir. Moi, j'ai tout le temps cette habitude de ne pas de me comparer, mais de trouver tellement d'autres artistes meilleurs ou qui ont déjà leur... Qui, je trouve qu'il y a des artistes qui ont leur identité visuelle. Enfin, elle est là, quoi. Et ouais. Je me dis, qu'est-ce que j'aimerais avoir une puissance comme ça dans mon trait ou dans mon travail. Donc, je ne me rends pas compte. Ouais, mais on peut t'assurer que nous... On revoit bien cette différence et vraiment cette identification de tes dessins, le trait, le crayonné est vraiment présent. Enfin, en tout cas, voilà. On te rassure. Adrien a totalement raison. Quand on voit un dessin en noir et blanc, hein, donc en crayonné, ouais, en le sent, on voit parfaitement ta patte. Par contre, quand on passe en couleur, ça va atténuer ton trait parce que généralement au niveau des contours du visage, alors je suis pas critique artistique, alors si je te choque, excuse-moi ou autre, mais au niveau du contour des corps, tu vas avoir un trait assez fort. Puis au niveau, dès que tu vas vouloir passer à faire des ombrages sur le corps, tu vas passer sur un trait un peu plus fin et après tu vas accentuer le décor. On le voit par exemple sur ton avatar que tu as sur Skype où on voit les décors sur, alors je de mémoire, je crois, pour l'avoir vu sur Instagram, elle est allongée sur un drap ou sur un serpent, je crois. Des serpents et des têtes, oui. Voilà, bon, là, vu que c'est plus petit, j'ai un peu plus de mal à le voir, mais on voit parfaitement quand même ce serpent qui ondule contre le corps du personnage, et à gauche, on voit des têtes, et tu vas accentuer énormément sur le décor avec des traits forts pour faire le contour du personnage et après des traits fins pour finaliser les choses. Je pense que je le vois comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Adari. Voilà. Si, tu es rentré bien dans les détails plus que moi, mais ouais, c'est vraiment ouais, sur le trait, moi je trouve justement des contours, tout ça qui est assez. Comment dire, enfin, on t'identifie vraiment à ce trait-là, à ce geste. Je suis encore moins spécialiste que Jeff pour décrire les dessins, mais. Je vois la vie en gris, en fait. J'ai vraiment du mal avec la couleur. Je vois tout en noir et blanc ou en gris, beaucoup plus le gris, en fait. Moi, ça me parle parce que moi, je suis un gros lecteur de manga pour le coup. Donc, du coup, le noir et blanc. C'est la couleur, la couleur, soit ça aide, soit ça peut complètement bousiller un dessin. Enfin, la couleur, c'est vraiment difficile, quoi. Mais puis je j'arrive pas, j'ai dû pas. Non, j'aime bien le gris, en fait. Noir et blanc, gris, j'aime beaucoup. Et non, mais je te comprends tout à fait. Alors, je commence à avoir une petite collection de sketchs, à chaque fois je le demande en noir et blanc parce que comme ça on voit vraiment le trait de l'artiste bien plus que si en plus il rajouterait de la couleur et ça permet de profiter à mon sens au maximum du dessin. Ouais, ça dépend des artistes, il y a quelques artistes qui sont plus vraiment que dans la couleur plus que dans le trait, mais je pense que chacun a sa place. Oui. Et à sa touche personnelle, en fait, ses préférences. Et... Donc, il faut savoir écouter le dessinateur, en fait. Quand tu demandes, par exemple, un sketch ou quelque chose, ben, il faut vraiment un peu coller à ce que la personne aime faire, quoi. Oui. Et alors, on va parler de quelque chose d'un peu moins drôle, mais qui nous a touchés à tous. Le Covid-19, comment tu l'as vécu, toi, en tant qu'illustratrice? Alors, je l'ai vécu... je suis tout le temps à la maison, donc c'est, j'ai pas senti de réelle différence dans ma vie. J'ai déjà fait l'ours. Non, je rigole. Je sais pas, en fait, je suis encore un peu moi, pour moi, on est encore dedans, en fait. Oui, on n'est pas encore ressorti complètement de la crise et je comprends. Dernièrement, je suis partie un peu faire quelques villes parce qu'il fallait que je sorte. Je commençais à avoir des problèmes de santé et je ne pouvais plus rester enfermée à la maison. Moi, je me suis enfermée dès le premier cas qu'il y a eu à Milan, en fait, bien avant qu'il y ait le lockdown. J'ai eu peur, en fait. Je me suis dit, si c'est à Milan, ça ne va pas tarder à m'arriver ici, quoi. Vu qu'on n'est pas très loin, donc je lui dis, prends pas de risque. Donc je me suis arrêtée un peu de vivre et je regardais un peu, je me sentais un peu comme une spectatrice en fait, du désastre qui allait arriver. Je ne sais pas si on parle du travail, alors c'est autre chose. On peut parler du travail également, hein. Il y a pas de problème là-dessus. Hein. Le travail, ça a été. J'avais plein de projets qui se sont bien sûr arrêtés. C'était pas ce qui m'inquiétait le plus, quoi. C'est ce qui m'inquiétait le plus, c'est vraiment j'étais enfermée à la maison, mais j'avais l'impression que j'étais un peu la seule, quoi. Jusqu'à. Je sais pas comment dire ça. Ça n'a pas été facile. Parce que. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne respectaient pas, forcément le confinement et compagnie. Il y a des gens qui ont respecté, puis tu en as d'autres qui ne l'ont pas fait du tout. Et jusqu'à aujourd'hui encore, beaucoup ne le font pas. Et ça m'exaspère. C'est comme ça compliqué. Je comprends un peu. C'est vrai que Donc nous qui sommes sur Toulouse, moi je suis vraiment sur le centre de Toulouse, je vois un peu un relâchement d'un peu tout le monde, une prise un peu à la légère parce qu'on se dit qu'on est dehors et que ça y est plus, alors que ça y est toujours et il faut faire encore attention. On l'a répété pendant le confinement, les gestes barrières, tout ça, mais je pense qu'il y a des gestes simples que tout le monde peut faire et qui peut vraiment éviter... que ça empire encore plus que ça ne l'a été ou que ça l'est encore. Il y a une chose qui m'avait le plus mis hors de moi, c'était au moment où ils avaient annoncé que ça ne touchait qu'une partie de la population, qui étaient les personnes âgées et les gens malades. Oui. Les gens n'étaient pas trop préoccupés, en fait. Ils se sentaient protégés. Ils disaient, c'est que les personnes âgées, c'est que les personnes qui sont déjà souffrantes, donc moi, je peux y aller tranquille, quoi. Voilà, c'est l'individualisme, ouais. En fait, qui m'a le plus... un peu beaucoup même gêné, quoi. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui se passe. C'est réellement passé pendant ce on nous a demandé de faire attention, on nous a mis en quarantaine et puis d'un seul coup pour l'économie il fallait que l'économie reprenne faut qu'on en fait ça a été un peu on a été bousculé de gauche à droite quoi restez chez vous sortez voyagez revenez enfin on n'est pas maître un peu de entre guillemets vraiment de ce qui se passe on va dire voilà et là du coup c'est vrai qu'économiquement on est obligé de remonter parce qu'on ne va pas pouvoir tenir comme ça longtemps mais qu'on le fasse de manière intelligemment intelligente c'est mieux aussi il ne faut pas oublier enfin c'est toujours là ça rôde toujours quoi donc Et alors, on s'éloigne un peu de la BD, mais c'est pas un problème. J'ai une question parce que bon, nous en France, on est toujours obligé de porter le masque théoriquement quand on va dans certains magasins. Quand on va au cinéma, je crois qu'on est obligé de porter le masque, au restaurant également, jusqu'à ce qu'on soit assis à table. Mais est-ce que ce sont des gestes, alors toi qui habites en Italie, est-ce que ce sont des gestes qu'on voit également ou pas du tout? Oui. Non, ici, c'est, ça dépend de quelle région. Ça, quand je suis partie à Venise, personne ne portait le masque dans la rue. Même j'étais choquée que dans un restaurant le monsieur venait nous servir sans le masque parce qu'en fait cette région là ils avaient zéro, moi quand j'étais partie au moment où j'étais partie ils avaient zéro cas parce que presque toute la ville de Venise ils ont fait les tampons en fait, ouais, tampons c'est ça et donc ils étaient pas trop alertés, donc ils se sont un peu relâchés, mais entre temps les régions se sont ouvertes entre c'est à ce moment-là qu'il faut faire attention, c'est quand quelqu'un qui vient d'une autre région rentre chez toi qu'il faut faire attention parce que ça se trouve cette personne elle est contaminée, donc les gens se sont relâchés un peu comme ça en se disant il n'y a pas de cas chez nous donc on est tranquille. Là dernièrement il y a eu des ouvertures des frontières et là maintenant c'est en Italie il y a plein de De visiteurs ouais, de touristes non oui non des à chaque fois j'ai oublié le nom comment on dit ça c'est terrible quand il commence à y avoir je suis désolée. C'est pas grave. C'est pas grave, oui, on n'est pas... Je l'ai en italien, mais je ne l'ai pas en français, donc c'est terrible. Oui. Et voilà, donc c'est reparti. Là, on a eu 120 nouveaux cas, juste là, dans la ville de Bologne. Donc, une journée, on a eu 120 cas, alors qu'on était à 15 cas. Donc, ça peut partir super vite. C'est ça, en fait, Et toujours, vu qu'on toujours un peu sur le Covid et par curiosité, en Italie, il y a des énormes fans de foot. La Serie A a repris, donc le championnat de foot italien a repris. Mais est-ce qu'il y a alors, je crois que les stades sont toujours fermés au public, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas des supporters qui essayent de se déplacer dans les villes ou est-ce que c'est assez calme encore là-dessus? Oh, je sais pas, je peux pas répondre. Je sais qu'il y a, je sais pas. Pour le foot, je ne sais pas du tout. Je sais qu'il y a des concerts de musique, je sais pas du tout. En fait, ils sont obligés d'imposer des règles d'hygiène pour tout le monde. Mais le problème, c'est qu'elles sont là, mais c'est que c'est les gens qui ne les suivent pas. On est obligé de porter les masques dans les métros, dans les bus, mais s'il y en a un qui ne le met pas, il n'y a personne pour venir le... Oui, lui rappeler alors. Oui, il n'y a pas de contrôle. Et je ne sais pas si en France, il y a des contrôles. En France, c'est souvent, en tout cas pour tout ce qui est restaurant ou magasin, c'est vraiment les gérants des établissements qui rappellent à l'ordre et rappellent au contrôle. Mais après, dans la rue, non. Dans la rue... Non, mais après, dans les métros aussi, on nous interdit certains métros si on n'a pas le masque. Si oui, c'est les métros aussi. Métro aussi. Il faut attention. Très bien. On va quitter un peu le Covid, mais merci en tout cas d'avoir donné ton opinion. En plus, ça tombe bien, tu vis en Italie, donc ça nous permet d'avoir une autre vision des choses que nous, petits Français à Toulouse. Le sexisme dans la BD, il y a beaucoup de langues qui se dénouent. Il y a eu plusieurs cas qui sont sortis dernièrement aux États-Unis. Je crois que c'est Warren Ellis et compagnie Warren Ellis qui a fait Transmétropolitane, entre autres, qui est sorti et tout. Mais toi, en tant que femme, comment tu vis le monde de la BD, que ce soit en France, Italie ou États-Unis, est-ce que c'est vraiment aussi grave que de ce qu'on peut relire dans certains médias spécialisés comme Comics Blog et compagnie, ou est-ce que c'est des cas des petits clusters comme on dit maintenant avec des petits cas isolés ou pas. Comment ça se passe? Parce que bon, on entend un peu tout et son contraire. Je serais curieux d'avoir ton avis de femme à ce sujet. Alors, mon avis de femme, je me sens pas du tout. Je me suis jamais sentie. Si, en tant que femme, j'ai senti que j'étais de temps en temps de trop, pas à ma place. Ça, je l'ai senti encore dernièrement, tout le temps. En fait, tu le sens tout le temps, ça, que c'est. Faut pas oublier que c'était quand même un milieu de mecs. Moi, quand j'en rentrais dans les boutiques de comics quand j'avais 16 ans, j'étais un peu l'alien, quoi. Et ça a bien changé quand même aujourd'hui, heureusement. C'est très masculin. Mais comme moi, je suis quelqu'un qui est assez masculin dans ma tête, donc j'arrive très vite. Enfin, je me sens. Je ne sais pas comment expliquer ça. En France, on a. On communique, enfin, on n'a pas ce problème d'hommes et femmes. Je sais pas. Oui, cette différence, en fait. Il n'y a pas le tabou, on parle un peu. Tu sais, je sais pas comment expliquer ça. Oui, on parle de tout, en fait. On parle de tout, et c'est pas parce que tu es une femme que tu es isolée. Voilà, et on peut parler de tout, en fait. Aux États-Unis, c'est un peu plus. Comment dire ça? Comment expliquer ça? Il y a plus de retenue, peut-être? Il y a plus de... C'est vraiment des petits groupes, en fait. On sent le petit côté... t'as le groupe des femmes, t'as le groupe des mecs, t'as le groupe black, t'as le groupe... C'est par communauté. Voilà, c'est des communautés. Et c'est marrant, c'est parce qu'en fait, quand on était... quand j'étais partie au New York Comic Con, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ah, j'adore ce festival parce que c'est tous les pays du monde qui se retrouvent et il y a tous les artistes de tous les pays du monde. » Ce qui fait qu'il y a un mélange et on sent que les cultures, en fait, comme elles sont différentes. C'est un mélange, il y a un échange et il y a plus de... Et on ressent moins cette communauté, en fait, ces différences de communauté, Il y a moins de barrières, peut-être, c'est ça? Il y avait beaucoup de filles. Ouais. Beaucoup plus de filles qui viennent d'Italie. Il y a beaucoup plus d'artistes. Juste après, j'avais fait Baltimore, le Comic-Con de Baltimore. Et là, c'était complètement autre chose. C'est beaucoup moins de femmes, plus de mecs. Et là, du coup, en fait, on sent que l'organisateur, il a ses invités, en fait, c'est ouais. Je sais pas comment expliquer ça, et ça dépend des villes où tu vas aussi, mais je crois qu'on s'éloigne du sujet parce que ça n'a rien à voir. On parlait de Warren Ellis. Voilà, on parlait du sexisme, et après on est bienvenue dans notre émission, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal, ça nous arrive tout le temps. On parle d'un sujet pour en arriver à un autre, et c'est ça qui est intéressant. T'inquiète pas. Moi, je me sens un peu une alien parce que j'ai toujours dessiné des femmes sexy. J'ai toujours aimé la nudité et j'ai eu autant des femmes qui n'apprécient pas mon dessin, par exemple. Alors okay. Que je dessine des femmes, j'aime les femmes, je trouve ça. Faut les aimer pour les dessiner, hein, donc voilà. Et je comprends pas ce truc. Alors qu'il y a pas ça en Europe, hein, je parle pas. C'est bon, aux États-Unis, ce truc féministe, attention. Et même si c'est un homme qui le dessine, c'est pareil. C'est pas parce que je suis une fille que j'ai le droit, plus qu'un homme, de dessiner. On est des artistes. Et on n'a pas, y a pas un qui a plus le mérite que l'autre de le faire. Ouais. Tout le monde a le droit de dessiner ce qu'il veut. Voilà. Et j'ai l'impression qu'on essaye un peu de... Il y a Moi, je me suis sortie... Dans des cases, peut-être. Je suis sortie de Twitter. J'étais sur Twitter. J'en suis sortie avec un grand sourire. Et j'y retournerai peut-être jamais. Même si j'aurais bien envie d'y retourner parce que c'est le seul endroit où on peut poster des dessins nus, de nudité. Et... Mais j'y retourne pas parce qu'il y a trop de polémiques. Moi, je suis sortie après Alters. Quand j'avais fait Alters, on a eu le droit à pourquoi est-ce qu'une femme hétéro, un homme hétéro, dessine une histoire sur un transgender. Et je veux dire, vous savez rien de ma vie déjà. Et deuxièmement, c'est qu'est-ce que ça peut vous faire, quoi. Puis de quel droit j'aurais pas. Pourquoi je n'aurais pas le droit de dessiner ça? Et puis je suis sûr qu'en plus, tu as eu aussi des bons retours. Donc, oui, j'en ai eu. Heureusement, il n'y a pas que des cons. Pas de souci. Donc, j'ai eu le plaisir aussi de parler avec des transgenres et de comprendre un peu plus leur situation, parce que moi, je suis arrivée un peu dans un milieu que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai appris, et ça m'a ouvert les yeux. J'ai vraiment aimé cette expérience. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de dessiner une histoire sur un transgender. Pourquoi est-ce qu'un mec n'aurait pas le droit de dessiner des femmes sexy? Et pourquoi est-ce que telle ou telle personne n'aurait pas le droit de faire ça? Ils oublient quand même qu'on est quand même à la base des artistes. Bien sûr. Comme l'avait dit une fois Paul Jenkins, j'avais vraiment aimé, il a dit c'était comme si Shakespeare n'aurait pas dû écrire Othello, quoi. On peut pas. C'est tout à fait ça. On s'enferme, en fait. Et là, je me suis encore éloignée parce que c'est pas du tout ce que vous m'avez posé comme question. Oui, non, mais on retourne à voir Lévis. Non, mais après, honnêtement, ce que tu as dit, c'est bravo, parce que c'est ce que je dis depuis. Alors, je ne vais pas souvent sur Twitter. J'étais comme toi, j'ai quitté. Et puis, à chaque fois que j'y retourne, en fait, je m'énerve avec des gens, en fait. C'est ça, c'est les mêmes conclusions. C'est Twitter. Dès qu'on parle de Twitter, j'ai l'impression que c'est vraiment pour en parler du mal. Je trouve qu'il y a une mauvaise communauté dessus. C'est vraiment. Moi, j'y suis pas, de toute façon, et je ne veux même pas y aller. Parce que dès qu'on me parle de Twitter, c'est souvent pour m'en parler comme quoi. C'est un mal, en fait, souvent. Donc, Et justement, sur Twitter, je discutais avec une féministe. Hein. Alors, j'ai rien contre les féministes. Je me sens un peu féministe sur certains aspects, hein, mais voilà. Et elle gueulait tout simplement sur ces artistes qui dessinaient des femmes nues en disant que c'était nu, que c'était une catastrophe. Et puis, vu que ça me faisait rire, j'ai glissé une série de dessins sur des séries de tweets, donc de Campbell, de Frank Shaw, et il y avait un de tes dessins également. Et j'ai dit sur ce dernier dessin, qu'est-ce que tu en penses? Et elle disait encore un mec qui dessine des femmes nues, provocateur. Une femme ne se tient jamais comme ça, voyons. Et j'ai dit que c'était une artiste féminine qui avait fait ça. Et elle m'a dit que ça ne changeait rien au problème. Il fallait pas faire ça. Ça ne représentait pas l'image de la femme. Pas bien. Donc, moi, j'applaudis ce que tu as dit. Franchement, Layla, j'applaudis ce que tu dis parce que ça fait depuis des années que je le dis sur Twitter. Mais voilà. C'est très bien, non? Franchement, ce que tu dis, je valide. Je valide à 100%. Je suis en train de réfléchir, mais qu'est-ce que c'est pour elle, l'image de la femme, quoi, en fait? À mon avis, c'est peut-être l'image de la femme avec un pantalon et les cheveux coupés comme un homme. Je sais pas. Je dis ça, mais c'est pas forcément bien ce que je dis comme ça sur un podcast. Mais voilà, je pense qu'à un moment, on peut très bien faire des dessins qui respectent l'image de la femme, un peu comme tu fais, parce que il y a rien de provocant. Et puis c'est un corps. On a tous. Adrien et moi, nous sommes des hommes. Quand on est torse nu, on est torse nu. Je ne vois pas pourquoi une artiste féminine ne pourrait pas nous représenter torse nu. Surtout qu'en plus, c'est une illustration, en fait. Voilà. C'est artistique, en fait. Il faut un peu le dissocier vraiment d'une personne ou d'une représentation, vraiment, tu vois. C'est un dessin. Complètement, c'est ce qui me gêne le plus, ce qui m'agace le plus, c'est qu'ils excluent le sexe, en fait. C'est comme si la femme n'avait pas le droit d'avoir du plaisir, d'aimer son corps, d'avoir des c'est comme si c'était exclu dans leur vie. Je suis désolée, mais le sexe, ça fait partie de la vie. Je vois pas la femme. Pour moi, c'est le contraire du féminisme, tout ça. Parce que bien la sûr. Libération de la femme, c'est avoir aussi le pouvoir d'aimer son corps, d'en profiter, de choisir le moment. Je veux dire, c'est une liberté. Je comprends pas c'est les seins qui les gênent, c'est quoi, c'est... Yeah. Okay. Bah, moi je pense qu'ils sont juste jaloux du travail bien fait, moi. Non, parce que par exemple, effectivement, il y a différents artistes. Tu as des artistes, par exemple, qui ont un style féminin, dessinent les femmes un peu très caricaturées, en fait. Ça fait l'image un peu du Playboy ou du Hustler Magazine. mais c'est aussi un style. Après, si t'aimes ou t'aimes pas, tu regardes autre chose, tu vois. Il y a le style Manara qui est plus dans la douceur, dans l'érotisme. Il y a tellement de variétés de dessinateurs et de dessinatrices qui font de l'érotisme. Et c'est bien. On va tous dessiner. Par contre, moi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, des costumes, en fait? Il y a eu une période où on a commencé à changer le costume de Storm parce qu'il n'était pas assez... était trop sexy ou ceci, cela, quoi. D'accord. C'est une bonne... C'est une bonne question. Le costume ne fait pas le personnage. Le costume peut venir avec une ère, tu vois. À l'époque, là, je suis en train de relire du Supergirl de New 52. Donc, à l'époque, où elle avait complètement changé de costume et qu'on peut dire qu'elle porte un juste au corps avec les jambes nues, fini la jupette, une cape un peu plus stylisée. Et voilà, donc on va dire peut-être pour certains un peu plus sexy, un peu moins mignonne que l'époque où elle avait la jupette. Mais voilà, tout ça dépend du style du dessinateur. Déjà, il faut que le dessinateur soit d'accord avec ce qu'il dessine là-dessus. Mais voilà, le costume représente une ère. Parce que bon, quand tu prends, par exemple, Jean Grey dans les X-Men, elle a changé un million de fois de costume. Elle est arrivée à une époque, quand elle s'est appelée encore Marvel Girl, elle avait une petite robe sympathique. Après, elle a eu un juste au corps. Et voilà, ça a toujours évolué au niveau des costumes. Mais à la rigueur, je ne m'attarde pas vraiment sur le costume. Je m'attarde plus à l'histoire qu'autre chose. Après voilà, je vois pas de problème avec les costumes, en fait. Elle peut être habillée n'importe comment, tant que c'est l'histoire qui importe le plus. Tant que c'est bien amené, et puis même, ça peut être un bonus ou un petit plus sur un... Ça peut être un élément en plus sur une évolution dans le scénario ou de l'histoire, un cliffhanger, quelque chose, un changement de costume, ça peut être bien apporté. Mais tu as bien résumé la chose, Jeff. Je n'ai pas trop d'autres choses à dire. Et voilà, par exemple, également, tu as eu le changement de costume de Batgirl qui est arrivé dernièrement, où elle avait un juste au corps. Et puis après, quand elle est partie à l'université, donc bienvenue dans Burnside, où ils avaient changé scénariste et dessinateur, elle est passée sur un costume beaucoup plus pratique. Mais ça reste logique avec le personnage. Elle est à l'université. c'est plus facile de se mettre un costume où il y a un zip à mettre que se déshabiller, mettre un juste au corps et compagnie. En fait, quand c'est bien amené dans l'histoire, du coup, il n'y a rien qui est choquant. Exact. En fait, c'est juste ça. Tant que ça correspond à ton histoire et à ce que tu veux raconter, ben, il n'y a pas de problème ou de choses à redire. Voilà. Très bien. C'était une bonne réponse ou une mauvaise réponse? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, c'est bien dit, hein, parce qu'en fait, vu qu'on parlait de féminisme et tout ça, je voulais avoir votre avis en tant que lecteur des costumes, en fait. Moi, personnellement, ça les costumes m'ont jamais gêné. Après, c'était graphique. X-Men. J'adore dessiner les X-Men à l'époque où ils avaient tous des costumes, des semblants de costumes, quoi. Et bon, j'arrive pas à voir Storm. Je sais pas qu'on me demande de dessiner Storm. Je vais la dessiner son vieux costume, quoi. En mode rétro, c'est cool. Ouais, le rétro nouveau, là, j'y arrive pas, quoi. Y a des costumes, en fait, c'est une question de génération aussi, peut-être. On s'attache peut-être à certains costumes. Comme nous, par exemple, moi, je vois vraiment les X-Men avec leur tenue vraiment un peu rouge et jaune d'antan, tu vois, des dessins animés, tu vois, qu'on a pu regarder avant. Avec Jeff, tu vois. Moi, c'est vrai que j'ai plus de rapport par rapport à ça. Quand je vois les X-Men, c'est vrai que j'ai toujours cette première vision d'image de ces costumes-là. Après, c'est plus sérieusement pour répondre à votre question. J'ai un peu suivi. J'étais un peu chamboulée parce qu'en fait, c'est pas cool. Par rapport à ce qui s'est passé avec le Warren Ellis, tout ça. Et je crois qu'il y avait aussi l'autre dessinateur, Cameron Stewart, c'est ça. Il y a aussi un éditeur de chez DC Comics. Ça m'a un peu... j'étais un peu dégoûtée pour les filles, que c'est jamais très cool à vivre ce genre d'expérience. Mais en même temps... c'est comme je disais sur Twitter, ça part super vite. Et vu que j'y suis pas, donc j'ai juste lu les articles, en fait. Je sais pas réellement ce qui s'est passé. Moi, de mon côté, j'ai jamais eu. Si, une fois un petit problème, mais j'en parlais pas. D'accord. C'est ton droit, t'inquiète pas. si, mais en fait, c'était un truc, je n'en parlerai pas parce que je n'ai pas pu l'utiliser d'en parler aujourd'hui. Parce qu'il aurait fallu en parler au moment même. Et maintenant, c'est trop tard, quoi. Oui, après, voilà, c'est vraiment une question, avoir ton opinion plus qu'une confession intime ou. Non. Tu te confesses. Hein. Non, de toute manière, non, mais c'est pour dire ça peut arriver, mais après, faut faire ça assez rapidement, quoi. Dans le sens où, quand tu te fais agresser, je sais qu'il y a la peur, il y a ceci, cela, mais je pense que le premier réflexe, c'est quand même d'en parler tout de suite, quoi. Ouais. Oui. Et voilà. Alors, est-ce que tu as des projets dans l'avenir? Est-ce que tu as Aftershock qui t'a commandé des nouvelles stories ou tu vas continuer un peu sur l'illustration? En fait, là, je commence un projet, mais vu que j'ai signé une clause de confidentialité, voilà, je ne vais pas en parler. Déjà, on va te revoir donc, dans pas très longtemps. Alors, c'est cool, ça. Et voilà, donc ça va être en tout cas super cool. Donc ça va bien m'occuper un peu pendant cette pandémie là, parce que voilà. Et j'aimerais aussi surtout terminer mon artbook parce que ça traîne. J'ai vraiment envie de finalement un jour de le sortir, quoi. Donc je sais pas par quel moyen je fais, soit je fais une autopublication ou je fais un Kickstarter. Ah oui, de sortir un book sur de illustrations de ton show, enfin de mes illustrations perso. Ouais. Ok, ah ouais, c'est cool ça aussi, ça c'est un bon projet. Donc je fais ça en parallèle avec la vidéo. Ok, avec ce nouveau projet. C'est américain, on peut le savoir, même pas ça, non ? Rien. Oui, c'est américain. D'accord. Je ne sais pas où je vais relire les clauses. J'essaye de gratter des infos. On sent le journaliste en toi, là, Adri. N'est-ce pas ? Ça y est, Mon âme de journaliste, ça y est, reviens à l'assaut, je me repars comme à Angoulême, ça y est. C'est ça, tu peux te faire virer par Airbus, t'as une carrière toute tracée dans le journalisme. Non, j'aimerais pas quand même, me porte pas la poisse, mais... Donc ouais. Bon, bah, alors ça, c'est déjà d'excellentes nouvelles. Et c'est vrai que l'artbook, il me... On peut participer ou pas pour l'artbook C'est-à-dire tu l'as déjà lancé, ton Kickstarter ou... Non, j'hésite. Je ne sais pas du tout si je vais faire un Kickstarter ou juste l'auto-publier moi-même. L'imprimer et le vendre moi-même comme ça, sans participation. Je ne sais pas ce qui est le mieux, en fait. Une participation, ça peut être marrant. Ben écoute, en tout cas, nous, on sera ravis de communiquer, de t'aider et de faire partie de ça. Ça, c'est sûr. C'est et de participer aussi. Ouais. On aime tes dessins, donc. Oui, parce que je remarque que mes travaux perso sont plus appréciés, en fait. Les gens aiment beaucoup, en fait. J'ai beaucoup de bons retours, en fait, par rapport à ce que je fais en illustration, tout ça. Dans le domaine de l'érotisme, tout ça. Donc, j'ai toujours fait ça, comme je disais tout à l'heure, c'était mon petit plaisir à moi, et je n'avais pas envie de mettre la pression, en fait, à sortir des livres et tout. Donc, mais là, j'ai quand même beaucoup de dessins, là, j'ai de quoi en faire un livre, quoi. En plus, il y en a certains que je ne peux même pas publier, donc tant mieux, parce que... Et par curiosité, ça t'a jamais tenté de devenir un cover artiste, toi qui aimes beaucoup les illustrations, au lieu de faire d'être artiste à l'intérieur, faire juste des covers pour profiter. Alors, j'aimerais bien faire des covers. J'ai pris dernièrement des cours de couleur, en fait, de mise en couleur, parce que je ne me considère pas réellement comme une cover artiste tant que je n'ai pas terminé toute l'illustration. Tout en couleur. Il faut qu'elle soit terminée pour être vraiment un cover artiste. Parce que quand tu dessines, tu ancres, après la couleur, elle passe à... C'est la vision de quelqu'un d'autre, en fait. Donc, ce n'est plus réellement ton illustration. C'est une collaboration. Mmh. Et, ah oui. Et j'aimerais... je me sentirais... prête à faire des illustrations, des covers, en fait, quand je serai complètement... autonome. Voilà, quand j'ai un bon niveau de couleur. Il faudrait que je travaille encore un peu. En fait, c'est le temps qui manque. Non, mais, ah, ça... C'est le temps qui manque. Et j'aimerais bien pouvoir faire plein de choses, mais les journées sont trop courtes. Ça peut se comprendre. on comprend tout à fait. Et allez, et la toute dernière question, comme oui. Ça, après, on te libère. Du coup, on va terminer ça sur une bonne musique, on va dire, une bonne note. Mm-hmm. Quels sont tes conseils lecture au cas où si on se au cas où si on attend au bord d'une plage ou au bord d'un lac ou au bord d'un bar, qu'est-ce que tu nous conseilles à lire pour cet été? Warren Ellis, non, je suis... Oh, j'aime beaucoup. Bonne réponse. Donc, mon livre, Horde. Non, je rigole. En fait, je ne sais pas du tout parce que je lis pas trop en ce moment. Par contre, ah oui, il y a une série que j'aime beaucoup. Oh mince. Ma mémoire, elle me joue des tours. Je vais tout de suite dire le nom parce que je l'ai à côté de moi. Ah oui, c'est Undertaker. Ah, Undertaker. Ça me parle, ça. Ah oui. C'est Ralph Meyer. Au dessin, Xavier Doré. C'est cow-boy, en fait, c'est western. Et moi, j'adore le western. Et c'est super bien dessiné, l'histoire est superbe. Et voilà, quand j'étais en France, je me suis acheté tous les tomes d'un seul coup et j'ai toujours pas eu le temps de les lire. J'aimerais bien avoir un peu le temps de trouver le temps de les lire, en fait. Sauf que là, c'est quand on a un scénario en anglais d'un pavé qu'il faut lire, donc déjà c'est la lecture de l'été. Bon courage. Ah oui, en plus, il faut bien traduire, parce que si je n'ai pas tout bien compris, ça va se voir sur les pages, quoi. Voilà. Du gros travail à venir. Voilà, voilà. Très bien. Bon, ben, en tout cas, merci à toi d'avoir partagé cette heure avec nous, Leïla. Merci à vous. C'était très, très sympathique. On a beaucoup rigolé. Eh ben, ouais. Moi, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi de nous avoir permis de faire cet échange, plus que vraiment une interview. Mais, oui, oui. C'était vraiment très sympathique. Et voilà. Et puis voilà, bah, du coup, moi je vais vous souhaiter à tous une... le mot de la fin, tu sais. Voilà, c'est ben, très bien. Et voilà. Ben écoute, une prochaine fois, alors sur Toulouse, hein, si je passe, on aura l'occasion de boire un café. Voilà, n'hésite pas à nous contacter. Et puis il y a quelques bons musées à faire qui sont pas mal, où tu peux voir. Tu peux voir certains tableaux également. C'est vraiment très sympathique, Toulouse. Tu as quelques musées à faire. Ben, dès que le Covid finit, dès qu'il n'y a plus le Covid, alors. Oui, voilà. Non, qu'il n'y a plus de Covid, on puisse aller boire un verre sans le masque. Oui. Bon, ben voilà. En tout cas, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Puis on va se retrouver très bientôt pour un nouveau podcast. Et puis voilà. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.